19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le premier moteur de la recherche archéologique sous toutes ses formes est l'émerveillement. Le désir d'une connaissance historique exacte ne vient qu'après, écrivait dans une réflexion sur la discipline Michel Butor en 1968. Né dans l'enthousiasme de la redécouverte de Rome, l'archéologie est un métier de passion comme, pour tout un chacun, une science à portée de main. S'il s'agit d'une science, l'archéologie est aussi affaire de patrimoine, un patrimoine toujours précieux, jamais reproductible. Le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, se penche aujourd'hui sur ce patrimoine. Le mien, le vôtre, non, désormais, celui de l'État, du moins depuis le 7 juillet. En marge de la loi Travail, la loi Liberté de création, architecture et patrimoine a été l'objet, elle aussi, d'âpres discussions entre Parlement et Sénat. Elle n'a toutefois pas nécessité le 49-3, mais est bien parue dans le silence de l'été. Pour en parler, Benoît Caplan, Patrick Pion, bonjour. Bonjour. Bonjour. Benoît Caplan, vous êtes sous-directeur de l'archéologie au ministère de la Culture, maître de conférences à l'université de Paris-10-Nanterre, Patrick Pion. Vous êtes actuellement directeur scientifique de l'INRAP. Nous retrouvons aussi tout à l'heure Catherine Louboutin, conservatrice générale du patrimoine, responsable de la politique scientifique du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Patrick Pion, l'émerveillement compte toujours pour vous ? Je dirais que l'émerveillement de mes débuts, qui était celui de la découverte, s'en sont ajoutés d'autres. Alors, l'émerveillement de la découverte, je l'ai encore. Le dernier, ça a été évidemment Chauvet, qui a été pour moi un grand choc et qui m'a laissé dans un état assez bizarre pendant quelques jours après la visite que j'y ai faite, où j'ai eu vraiment la sensation d'être en présence des hommes qui avaient peint. Quand on voit les charbons de bois dans les diverticules, etc., c'est extraordinaire. L'autre émerveillement, c'est celui de ce qu'on arrive à tirer aujourd'hui sur le plan scientifique de vestiges qui, somme toute, sont souvent très très modestes, voire à peine visibles, et qui nous permettent de participer à la construction, par exemple, c'est un exemple, des grands modèles d'évolution climatique ou des choses comme ça. Et il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse en arriver là. Et puis, le dernier émerveillement, eh bien, c'est celui du grand pas qui a été franchi, c'est un pas de géant, entre l'archéologie de sauvetage des années 70 ou avant, et puis l'archéologie préventive aujourd'hui. Et par exemple, quand on va, je visitais récemment le centre de Dijon, le centre INRAP de Dijon, quand je vois les installations qu'on a réussi à mettre en place, dont on arrive à bénéficier aujourd'hui, dans quel contexte on travaille, c'est extraordinaire. Puis une dernière chose qui est extraordinaire, c'est de me lever tous les matins en me disant, je fais un métier que j'aime, c'est d'être archéologue, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nul n'est censé ignorer la loi, mais remontons le temps. Le 30 septembre 2015, 11 célébrités du monde de l'archéologie publiaient un article dans Le Monde sous le titre « L'archéologie doit être mieux protégée par la loi ». Elle ne l'était pas, Benoît Caplan ? Il y avait quand même un certain nombre de problèmes et je dirais que d'une certaine manière, il était temps que la communauté des archéologues porte ce message de manière forte. Les archéologues français sont plutôt fiers de leur modèle d'archéologie, notamment avec le modèle préventif. Mais si on regardait bien la façon dont fonctionne la chaîne opératoire de l'archéologie, il y avait quand même un grand manque. Et ce grand manque, c'était dans la prise en compte, notamment des vestiges, où nous étions arrêtés au milieu du gué. Et je pense que cet article du Monde, signé par de grandes célébrités, voulait tirer la sonnette d'alarme et voulait que cette grande mesure sur la propriété publique des vestiges passe. Elle est passée. La propriété avait été déjà en question dans une loi très très ancienne, 1911 je crois, et les lobbies des archéologues, notamment de la Société préhistorique française, avaient réussi donc à ne pas toucher à la propriété. Vous étiez au courant de ce sujet ? Oui, absolument, absolument. Et déjà à l'époque, cette réaction de la SPF était en décalage avec ce qui se passait ailleurs en Europe. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la mesure qui est prise d'appropriation par l'État des biens, des mobiliers archéologiques, des vestiges, c'est en quelque sorte se mettre au diapason d'un certain nombre d'autres pays européens qui l'ont depuis très longtemps, voire depuis les origines, et où ce qui est vestige du passé est automatiquement approprié par la collectivité des sujets d'abord, puisque c'est des royaumes, notamment au Danemark ou en Suède, et puis ensuite des citoyens avec l'émergence des États-nations. Benoît Caplan, la grande loi sur l'archéologie date de 1941, la fameuse loi Carcopino, validée à la Libération en 1945. Cette loi reste la loi fondatrice pour les archéologues. C'est vrai. En même temps, c'est vrai qu'il y a toujours un élément qui surprend un peu avec la loi Carcopino, c'est son moment. Mais c'est-à-dire cette date de 41 qui surprend, et je pense qu'on peut pas laisser ce point-là sous silence. Elle était parce qu'elle était issue d'une très lente maturation. Et c'est pour ça qu'elle a été reprise à la Libération et que aujourd'hui la communauté archéologique s'y reconnaît. Mais il y a eu d'autres étapes, la loi de 2001, la loi de 2003 et aujourd'hui celle du 7 juillet 2016. Alors deux mots peut-être sur la loi de 2001, une nouvelle loi qui permet de mettre en place une drôle d'archéologie, celle qui œuvre pour éviter les destructions des aménageurs. Eh bien c'est celle qui prend en compte finalement la protection du patrimoine archéologique extraordinaire de ce pays pour l'organiser. Les fouilles de sauvetage existaient avant, l'archéologie préventive est née avant la loi de 2001, mais la loi de 2001 l'a consacrée. Et ça, c'était un point très important pour pouvoir prendre à bon niveau, je dirais à bon niveau scientifique, le patrimoine qui est enfoui dans notre sol. On reparlera au passage donc le fameux rapport de Jacques Soustelle en 1974. À partir de 2002, tout semble s'accélérer. Une nouvelle loi en 2003 jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas la forte professionnalisation du métier qui a induit toute cette législation ? Patrick Pion ? Il est évident que cette professionnalisation du métier qui se développe depuis maintenant une trentaine d'années est pour quelque chose dans l'émergence de cette loi. Mais c'est principalement, à mon sens, l'intérêt nouveau ou renouvelé qui est porté au patrimoine et le fait qu'on ait pris conscience que c'était une richesse non renouvelable, au même titre que d'autres, et qui donc méritait d'être sauvée. Et certainement, cette professionnalisation est très très liée au développement de l'archéologie préventive. Benoît Caplan. C'est clair parce que ça donnait une assise, y compris clairement économique, l'archéologie préventive à l'archéologie. Et on a eu un mouvement de technicisation du droit, mais aussi un mouvement de technicisation propre à la science archéologique qui consolidé, convoqué autour d'elle d'autres types de sciences, que ce soit des sciences humaines et sociales ou des sciences dures ou liées à la biologie. Donc c'est un mouvement d'approfondissement de l'assise épistémologique et scientifique de l'archéologie et parallèlement d'une beaucoup plus grande finesse dans l'approche de la protection du patrimoine. Donc c'est vrai qu'on on se dégage du modèle, je dirais, de l'archéologie amateur qui avait qui a produit de très belles choses, et que un de nos sujets de préoccupation, c'est de rester aussi en contact avec les gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont des amoureux de l'archéologie. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des amateurs ? Moi, j'ai pas beaucoup l'impression qu'il y en ait. C'est dommage d'ailleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas été éliminés justement par cette professionnalisation, par l'archéologie territoriale ? Quand on interroge les services régionaux d'archéologie sur ce point, et on le fait systématiquement dans le dialogue que la sous-direction de l'archéologie entretient avec les services en région, eh bien, il se dégage qu'ils existent toujours. La question, c'est est-ce qu'on sait les mettre en valeur ? Et ça, c'est une vraie question que l'ensemble des archéologues, notamment professionnels, qu'ils soient du monde universitaire ou des professionnels de l'archéologie, ceux de l'INRAP, ceux des archéologues des collectivités territoriales et des archéologues des acteurs privés, doivent se poser. Mais ils existent toujours. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. maison. Benoît Caplan, venons-en donc à la fameuse loi du 7 juillet 2016. Toutefois, au préalable, qu'est-ce que le patrimoine archéologique ? Le patrimoine archéologique, c'est l'ensemble des vestiges et des biens du passé qui sont enfouis dans le sol, ou présents d'ailleurs, aussi également dans nos bâtiments, puisqu'on fait aussi aujourd'hui de l'archéologie du bâti. Mais justement, un des apports de la loi du 7 juillet 2016, c'est de reprendre la Convention de Malte et d'élargir cette approche de l'objet d'étude archéologique au contexte, pour bien reconnaître que on ne peut pas faire de l'archéologie moderne simplement tournée vers l'objet, qu'il soit mobilier ou immobilier, mais que cet objet, on le trouve dans un contexte, et que ce contexte est un élément extrêmement important de l'étude archéologique. Donc vous écoutez, ce sont des biens, ce sont aussi des traces de l'existence de l'humanité, y compris dans leur contexte qui l'entoure, contexte qui peut être aussi environnemental. Absolument. Alors, c'est une notion extrêmement large, de fait. C'est-à-dire que autour de l'objet lui-même, il y a toute une série d'informations qui sont absolument essentielles. Déjà, évidemment, les éléments stratigraphiques, mais aussi l'ensemble des éléments qui cohabitent autour de l'objet et qui sont presque des objets eux-mêmes, comme les pollens, pour donner un exemple. Alors, je voudrais revenir très vite sur la notion de patrimoine, si vous me permettez, qui est une notion importante et qui a beaucoup évolué. On a plusieurs façons d'aborder la définition du patrimoine, et l'une des façons qui a été la plus traditionnelle, la plus académique, c'était de l'aborder sous l'angle de la relique, avec tout ce que sous-entend le fonctionnement des reliques pour la création des collectifs humains qui les regardent, etc. Et puis, il y a le patrimoine en tant que source d'information, et qui là est abordé sous l'angle de l'archive. Et les deux sont parfois pas évidents à concilier. Et ce qu'on a à faire, nous, c'est d'arriver à concilier ces deux faces de la même médaille. Supposons que j'ai un dolmen ou un menhir dans mon jardin. C'est un bien immobilier ou mobilier ? Alors, comme il est quand même très bien fixé au sol, c'est un élément immobilier. Ça, c'est un des points... Comme une maison. C'est effectivement un des points importants. Et donc, votre dolmen, dans la plupart des cas, même si on trouvera certainement des exceptions, correspond à des biens immobiliers. Moi, j'ai eu un cas très particulier à traiter quand j'étais ingénieur en Normandie, celui d'un dolmen qui avait été abattu et déplacé. Et il y a eu un grand débat pour savoir s'il relevait du mobilier ou de l'immobilier. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Une des grandes nouveautés de la loi, c'est le régime de propriété. Avant, nous avions affaire à une sorte de partage entre l'État et un individu. C'est bien ça ? Alors oui, c'était encore même plus complexe que cela. C'est-à-dire qu'on fonctionnait en fait sur le modèle du code civil. C'est-à-dire le fait que lorsqu'on trouve sur la propriété de quelqu'un un objet, cet objet, a priori, appartient à cette personne. Eh bien, autour du code civil s'organisait, je dirais, le droit de l'archéologie, et organiser une forme de partage entre la personne propriétaire du terrain et celui qui l'aidait à découvrir l'objet. Alors, soit la personne propriétaire du terrain le trouvait toute seule et était pleinement propriétaire, soit il y avait un inventeur, mais dans bien des cas, c'est l'État qui, en donnant l'autorisation de fouille, était en fait l'inventeur. Et c'est pour ça que, notamment en archéologie préventive, les biens trouvés sur le terrain étaient partagés ou avaient vocation à être partagés entre le propriétaire du terrain et l'État. Aujourd'hui, tout a changé. Si je trouve un tesson de poterie, par exemple, ou une pièce de monnaie, désormais, elle appartiendra à l'État ? Elle appartiendra à l'État sur les terrains qui auront changé de propriétaire après l'entrée en vigueur de la loi. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que le législateur, en posant ce principe-là, a souhaité en même temps être protecteur de la propriété privée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on ne prend pas le propriétaire privé par surprise en venant s'accaparer un bien qu'il avait dans son fonds. En revanche, quand vous passerez demain chez le notaire, on vous signifiera très bien que les vestiges archéologiques trouvés sur votre terrain ne sont plus votre propriété. Parce que, au fond, pour juste revenir sur un des points de lancement de l'émission, si ces biens sont propriété de l'État, la justification est qu'ils sont d'abord un patrimoine commun de la nation. Si j'ai trouvé ce bien il y a 10 ans, il est à moi ou à l'État ? Alors ça dépend de quelle manière vous l'avez trouvé, si vous l'avez déclaré, si vous l'avez trouvé de manière fortuite, ou au contraire, si vous êtes un fouilleur clandestin, auquel cas vous pouvez vous exposer aux foudres de la loi. Et même à la prison. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons la nouvelle loi sur le patrimoine archéologique avec Benoît Caplan et Patrick Pion. Benoît Caplan, si je trouve une grotte peinte par quelques artistes du paléolithique supérieur, comme la grotte Chauvet, désormais, alors, le sous-sol. Alors déjà, le sujet, c'est que c'est un bien immobilier. Et depuis la loi de 2001, eh bien, ces biens immobiliers sont propriété publique. Et la grande particularité de la loi de 2016, c'est qu'elle vient compléter ce volant-là, c'est que ce sont les vestiges mobiliers qui deviennent également propriété publique. Juste à lire la presse, j'ai eu le sentiment que certains citoyens vivaient la nouvelle loi comme une forme de spoliation. Je pense que c'est une idée qu'il faut combattre. D'abord parce que un élément parmi d'autres, lorsque les services régionaux de l'archéologie sont détenteurs de vestiges, enfin ont la garde de vestiges dont ils doivent exercer le partage, 9 fois sur 10, on a fait notamment cette étude sur le territoire Picard, 9 fois sur 10 quand on interroge le propriétaire du terrain sur lequel ont été trouvés ces vestiges, eh bien, ils ne répondent pas. Donc, ça tombe très souvent dans un grand désintérêt. En revanche, il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être intéressées par ces vestiges. La question, c'est avec quelles intentions ? Un des vrais soucis de l'archéologie moderne, c'est bien sûr le pillage en France, hein, lié aux détecteurs de métaux, les fameuses poêles à frire. La loi a prévu quelque chose pour ce dossier ? La propriété, déjà. On ne change pas... On ne change pas de régime sur la question des détecteurs de métaux. On reste sur d'ailleurs les fondamentaux. Si on fait une opération d'archéologie, y compris avec des détecteurs de métaux, il faut une autorisation spécifique. C'est bien plutôt le régime de propriété qui, lui, change. Et un des objectifs de ce changement, c'est de mettre à l'abri et des pillages qui, malheureusement, menace notre patrimoine national. Cela va-t-il changer quelque chose pour les musées et les conservateurs ? J'ai demandé son point de vue à Catherine Louboutin. Nous l'écoutons. Cette loi changera beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme vous le savez, la loi n'est pas rétroactive. Donc, on est dans une situation intermédiaire entre ce qui existe et ce qui va exister. Donc là, pour l'instant, c'est un tout petit peu plus simple. Ça deviendra beaucoup plus simple. Est-ce que vous pensez que cette loi était nécessaire ? Oui, je pense que cette simplification, elle est nécessaire. Et du point de vue des conservateurs, l'expérience me montre que c'est toujours extrêmement difficile pour un conservateur de musée. Vous savez qu'ils ne sont pas tous extrêmement spécialisés. Ils ont des musées souvent polyvalents. Et donc, c'est extrêmement difficile de bien arriver à comprendre qui est propriétaire des objets qui leur sont proposés, puisque souvent, ce sont des propositions qui arrivent au musée et celui qui propose n'est pas nécessairement, il l'est souvent dans son esprit, mais légalement, il n'est pas nécessairement le propriétaire ou du tout ou d'une partie. Est-ce que vous pensez que l'État va opérer une sorte de transfert ou carrément le dépôt des collections ? Je pense que tout ça doit être vu dans une politique territoriale à l'échelle nationale. Donc c'est là que le rôle de l'État est effectivement important, puisque ça va être lui, finalement, le maître d'œuvre pour l'ensemble des collections des vestiges issus de fouilles. Ça ne sera plus la nature de la fouille qui va donner le là, mais ça va être la date de la fouille et aussi la date de la propriété du terrain. Donc c'est cette solution qui a été retenue. Mais en termes de politique territoriale, ça ne devrait pas changer énormément de choses. Ce qui va changer, c'est que vous n'aurez plus qu'un propriétaire pour les fouilles récentes sur des terrains acquis après la mise en œuvre de la loi. Qui sera ce propriétaire ? L'État. Donc l'État sera propriétaire de l'ensemble des vestiges mobiliers trouvés sur des terrains acquis après la loi. Et donc on va déjà simplifier tout cet aspect très compliqué qui était celui de la propriété partagée entre l'État et le propriétaire du terrain. Certaines choses sont partageables, mais finalement, très peu de choses sont partageables en archéologie. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'ensemble avec sa signification historique et non pas telle ou telle pièce. La belle mosaïque et les cajots de tessons. Et c'est difficile à partager. Déontologiquement, ça n'a pas de sens de partager. Et pratiquement, c'est compliqué de faire deux parts. Donc là, on va avoir, mais je dirais dans l'avenir... C'est-à-dire quand effectivement tous les terrains sur lesquels il pourra y avoir des fouilles auront été acquis après la loi. Mais pour l'instant, on est encore dans une situation intermédiaire qui va durer quand même quelques années. On peut penser que ces objets vont arriver dans les deux grands musées d'archéologie ou carrément au ministère de la Culture, dans les DRAC, disons-le. Alors il y a deux questions dans votre question, qui est au niveau de l'État, les musées ou les services régionaux de l'archéologie et au niveau des musées, les musées nationaux, à savoir le musée des Ésis et le musée d'archéologie nationale, et les musées territoriaux. Le premier point n'est pas résolu, et je dirais même qu'il n'a pas été franchement abordé. C'est-à-dire, qui ? C'est l'État qui va être propriétaire. Mais qui ? Où est-ce qu'on va mettre ces objets ? Dans un des deux musées nationaux ou dans les services régionaux de l'archéologie ? Donc là... Ça mérite des échanges et des débats. L'intérêt étant commun, je pense que c'est plus une question de temps qu'une question de philosophie. En revanche, pour ce qui est de l'affectation à un musée national ou territorial, je pense que ça ne changera pas grand-chose, puisqu'il faut qu'on arrive à avoir une réponse qui soit fondée sur la nature des collections, c'est-à-dire... Où est-ce que ces collections ont un sens ? Le musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye accueille les plus belles pièces archéologiques de France de la préhistoire au Moyen-Âge. Puisque désormais les objets archéologiques appartiennent à l'État, ne craignez-vous pas d'être submergé ? Alors, le musée... Submergé par des belles pièces, en plus. Le musée d'archéologie nationale a accueilli pendant longtemps les plus belles pièces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau des musées en région était pratiquement inexistant. Il faut quand même pas se tromper et traiter Saint-Germain de prédateur. Il faut quand même bien se rendre compte que les collections anciennement entrées à Saint-Germain, si elles n'y étaient pas entrées, je pense qu'elles n'existeraient plus. Vous croulez sous le mobilier. On croule sous le mobilier. Disons qu'on est surtout extrêmement contraint par le manque de place. On peut dire ça comme ça. si vous faites un ratio, on a des espaces de réserve, par exemple, qui sont bien inférieurs à ceux dont disposent des grands musées comme le musée d'Arles, par exemple. C'est pas comparable. Donc on est très à l'étroit, mais pas tant parce qu'on a énormément de choses que parce qu'on n'a pas assez de place, ce qui est un petit peu différent. Mais pour ce qui est de l'avenir du lieu de présentation, je dirais, des collections, ça changera pas grand-chose. En tout cas, un musée à voir avec des pièces tout à fait extraordinaires. Cela ne va-t-il pas entraîner des problèmes de stockage et même de conservation ? Alors, on pense assez peu à la conservation en général. De toute façon, ces problèmes, ils existent déjà. C'est-à-dire que nous sommes sur la voie de ce qu'on appelle un schéma directeur et le préalable de ce schéma directeur, c'est effectivement qu'on puisse disposer de réserves à la fois plus grandes et mieux adaptées au mobilier qui doit y être conservé. Puisque comme vous le savez, dans les réserves, il n'y a pas de trésor. Il y a du mobilier qui est scientifiquement intéressant. Si vous prenez toute la cohorte de haches polies qui peuvent être conservées au Mans, c'est des objets extrêmement importants pour parler des échanges, de la circulation des matières premières, etc. En revanche, muséographiquement, ça ne présente pas d'intérêt d'aller exposer toutes ces pièces. Donc il y a cette masse d'objets en réserve n'est pas quelque chose qui est caché ou non exposé faute de place. Ça a une vertu particulière et on ne prive pas le public. Mais comme tous les musées archéologiques, le MAN, le Musée d'archéologie nationale, a des réserves qui sont effectivement très pleine, à la fois très pleine et pas nécessairement rationnellement organisée pour la bonne conservation des objets. Mais rassurez-vous, on n'a pas de collection en péril. Benoît Kaplan, je le disais, l'archéologie s'est professionnalisée. Nous avons désormais un établissement public, des collectivités territoriales, mais aussi des sociétés privées qui font donc de l'archéologie. La lutte a dû être âpre. Alors, les débats ont été intenses, notamment autour de ces questions ou avec cette question de la place des différents acteurs au sein de l'archéologie et notamment de l'archéologie préventive. Mais si elle a été intense, elle n'a pas été âpre. La preuve, ce qui est remarquable dans cette loi, notamment sur le volet préventif, comme sur le volet de la propriété des vestiges, c'est qu'il y a eu accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et dans l'événement que constitue cette loi, eh bien, c'est également un point extrêmement important à souligner et qui est, à mon avis, une ressource pour l'ensemble des archéologues de ce pays. Le contrôle des agréments des sociétés privées faisant de l'archéologie a visiblement été renforcé. Il faut dire que récemment, plusieurs sociétés ont fait faillite. Alors, le sujet, c'est que c'est l'ensemble du contrôle de l'opération d'archéologie qui est renforcé pour se donner les moyens de pouvoir faire une archéologie assise qui corresponde aux règles de la discipline, y compris dans le temps de l'archéologie préventive qui est très contraint. Et pour s'assurer que on puisse faire cette bonne archéologie, il y a effectivement un contrôle plus resserré de l'ensemble des opérateurs qui est mis en place. Mais c'est aussi pour s'assurer qu'eux-mêmes sont en position de mener correctement ces opérations d'archéologie. Désormais, les services de collectivités territoriales sont habilités. Tous, c'est-à-dire l'établissement public, les collectivités territoriales et les sociétés privées, peuvent dorénavant contribuer à l'exploitation scientifique et à la diffusion des résultats. C'est quelque chose d'important ? Patrick Pion. Oui, alors c'est tout à fait important, mais il faut faire une nuance, je pense. Dans la loi, l'INRAP a pour mission, parmi d'autres, la recherche et la valorisation. Pour les collectivités territoriales comme pour les opérateurs, ils peuvent participer. Pour l'INRAP, c'est une obligation. Pour les collectivités ou les opérateurs privés, c'est une possibilité offerte. Et c'est une évidence dans la mesure où tous participent sur le terrain à exécuter des fouilles, à les exploiter dans le cadre de rapports. Il est évident qu'il n'y a pas de coupure dans la recherche entre le terrain et ce qui est fait ensuite et que tous y participent. Benoît Kaplan, cette loi renforce-t-elle le grand établissement public que vous représentez, Patrick Pion ? La loi reconnaît les responsabilités spécifiques de cet établissement public, notamment dans la mesure où il assume des responsabilités particulières, dans le cas précis notamment de défaillance d'opérateurs. L'INRAP a le devoir, dans ces cas-là, d'être prêt à intervenir. Et la loi clarifie les modalités de son intervention, notamment lorsque l'INRAP doit intervenir sur un chantier qui est en cours. Pour vous, c'est une loi qui est passée sous silence ? Le fameux 7 juillet ? J'ai le sentiment exactement inverse. D'abord parce que c'est un an de travail législatif, de débats très intenses à l'Assemblée nationale et de points de vue qui se sont rapprochés entre le Sénat et l'Assemblée nationale et, je dirais, avec des positions qui ont dépassé les frontières politiques. Benoît Kaplan, Patrick Pion, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bernard Laniel, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de France Culture. Vous retrouvez plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 remontera le temps jusqu'au 6e siècle de notre ère, en vue d'un royaume depuis longtemps oublié, celui de Théodoric, de Théodore de Baer et de Théodebald, le royaume d'Eustrasie.